Leçon 3, page 118, activité 2 et 3, piste 106. Léa, demain, je vais au musée avec ma classe. Tu viens avec moi? Oh oui, j'aime bien. Et comment on va au musée? Ma mère nous amène en voiture à l'école. Après, on prend le bus avec la maîtresse. Et on fait quoi, au musée? On dessine.